C'est le bordel. C'est le bordel intégral. Ah, intégral. Où est mon casque? Mais c'est normal. Magie est sortie du... de sa retraite mitorienne, et donc il est là dans, il est même dans le studio Majid, vous l'avez vu. Yo Maj. Voilà, et Majid étant là, on peut commencer Pion Gangster Rockers, c'est le numéro 309, avec ce soir, avec vous, Gaël, Val, ouais. Stéphane, et celui qui se cache derrière la colonne de platine, Manu. Manu, Manu. Bah, Washi représente. Oui. Bah oui, mais ouais, effectivement. RPZ, le ouais. Coup, voilà. Là, je suis en minorité là. Bon, et eh ben, je vais, vous pouvez combler pendant que je finis de couper parce que je viens de juste d'arriver. Là. Ouais. C'est... Alors à ce qui paraît, tu voulais prendre un morceau. Un morceau, classique pour commencer cette émission. Ouais, j'ai des classiques. Un classique qui date de quand, qui vient de qui date de 2 ans. Mais qui est déjà un classique. Attends, ouais. Vas-y, c'est, je te jure. Ben, c'est un petit peu la musique parce qu'on s'entend plus. Ben, juste un extrait de la compilation On marche encore sous la pluie. Ah, d'accord. Lequel? Ah, ben, c'est un classique du NP2C alors. Ouais, un classique de Lille, de la Gardo, défunte Gardo. C'est Short Days. Oh. Trop bien, on en parlait quoi. Juste avant là. Oui, c'est vrai. Ah bon? Qu'est-ce qui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah, c'est pas encore annoncé, ah, mais ils vont jouer pas là. Sur la côte. À la côte. La côte. La côte. La côte, tout ça, Ostende. Non. La côte d'Opale. Je sais pas, Middelkerk. La côte d'Opale. Oh mon dieu, j'ai mal. Knock. Bon. Côte d'Opale, j'ai dit. Côte d'Opale. Bon, bah écoute, on verra ça une autre fois. Pour l'instant, voici Short Days en 2021 sur la compilation. On marche encore sous la pluie. Children of Boredom, les enfants de l'ennui, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes, puisque nous sommes nés natifs, ou presque, du NP2C. Short Days. You are- Hein. Moi, je vous le dis, c'est fini. Voilà, c'est, des... enfin, c'est pas fini, hein, Short Days, ils vont encore jouer dans plein d'endroits là, dans pas longtemps. Mais on vous le dit pas encore. Non, on peut pas. T'as vu, j'ai bien appris ma leçon. Allez, après Lille, les Lyonnais de Clem Choice vont sortir ce mois-ci un split avec les Canadiens de No Heart. Trois titres par groupe. Le précédent 7 pouces des Lyonnais était sorti en mars dernier sur le label Une Vie Pour Rien Records et était chanté exclusivement en français. Je le souligne. Ici, ça sort sur Rebellion, le label hollandais, et Longshot, un label américain. Donc, le groupe a trouvé ça judicieux de proposer trois nouveaux morceaux, cette fois-ci chantés en... Pas bien, Stéphane. Néerlandais, anglais. Bah, non, non, anglais, vu qu'il y a un label néerlandais dans le tas. Non ouais, mais les hollandais, c'est... Ça, oui, c'est pas le même accent que les belges. C'est les anglais d'Europe, quoi. Ah bon oh, oui. C'est comme ça qu'ils se... Oh, oui, tout à fait. Ouais. Comment ils se présentent hollandais. Hollandais. Ouais, non, mais oui. Ouais, ils se prennent pour les anglais. C'est ça. Ah, wishful thinking, wishful thinking. Thinking. Thinking. Wishful tinkering, même. Alors, ça sortira au format 12 pouces. Il y aura deux versions, une pour chaque label, avec une pochette différente selon le label chez qui tu le choperas. Il y a 250 copies de chaque côté du label. Vinyle bleu pour l'Europe, vinyle rouge pour l'Amérique. Tout de suite, je vous propose un morceau que même Droogies Radio n'a pas encore diffusé. Oh putain, le vinyle rouge, là, c'est par rapport à l'adhésion à un parti politique américain ou enfin, comment ça se passe? Attends, les rouges, c'est creuse qui trop loin, je pense. Les rouges, les rouges. Les Américains creusent beaucoup en ce moment. Ah ouais, ils creusent. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Le rouge, c'est pas la couleur des communistes aux USA, c'est la couleur du Parti conservateur. Tu sais, avec Donald et tout ça, c'est bien. Ah, d'accord. Cher Donald. He's back, he's back. Et le bleu pour l'Europe, ça colle bien au groupe lyonnais. Hein. La royauté. Ah. Putain, on va avoir des ennuis. On va avoir des amis, beaucoup d'amis. Ah ouais, on a déjà beaucoup d'amis. Un morceau qui n'est même pas encore passé sur Droogies Radio, parce que c'est un morceau total exclu. Il s'appelle The Hill. Et c'est Clem Choice tout de suite sur Droogies Radio Campus Lille. Gangnam City Rockers. Bim. C'est plus vite, c'est plus fort que toi, ouais. Stéphane. Oui, plus, oh, pour, oui ça, il n'y a pas de problème. Hein. En plus, il est sympa, le Simon. Oh oui. Ah bah tous, les quatre. Ouais, c'est des crèmes. Il faisait le camion des Canadiens, là. Oui. Et je me vois. Comme par hasard, j'avais mis mon super t-shirt Clem Choice. Oh, comme par hasard. Bravo. Et il est au content. Vous avez vu de bien ensemble, j'espère. Non, même pas, il était occupé. Attends, vas-y, je suis un bosseur. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Et ils bossent tellement que Clem Choice seront même en tournée outre-Atlantique d'ici peu là, hein, ça, c'est imminent. Mm-hmm. Donc si vous allez aux États-Unis ces prochaines semaines et que vous voulez avoir Clem Choice, allez sur leur site, checker les dates, par où ils passent en tout cas. Oh, j'ai eu des flyers là. Est-ce qu'il faut toujours remplir un questionnaire à la con quand on arrive aux USA? Un ESTA. Ouais, je sais pas, pour. Il y a l'ESTA pour l'autorisation de territoire, et ensuite tu dois remplir un questionnaire. Pour qu'il soit sûr que t'es pas communiste, que tu n'as pas envie de faire un attentat pour désinguer le président. Ouais, je vais répondre ouais. T'sais. Il te le donne le début de l'avion, tu dois le rendre à l'arrivée. Bon. C'est ça. Et si t'as mal répondu, en fait, ils te remettent dans un avion dans l'autre sens. C'est ça. Je ne sais pas, je sais même pas s'ils le lisent en fait. Non, c'est au cas où tu fais des conneries, ils te le refoutent dans la gueule. Tiens, t'as vu, t'avais signé un truc là où t'avais dit que tu ferais pas ci, pas ça. Aux États-Unis, on y reste avec. Oui, c'est à moi. Donc, ça sort d'où ça encore? Là, tu aurais dû répondre conservative military. Oui, oui. Donc, ils seront à Merksem, près d'Anvers. De qui tu parles? Bon, alors, ça va pas commencer cette histoire. ils seront à Merksem, près d'Anvers, ce 23 octobre. Donc, ne vous précipitez pas pour acheter votre ticket, c'est sold out. Et ils partageront l'affiche avec les très nerveux néerlandais de Pressure Pact et les bruxellois de Instructor. J'ai nommé Conservative Military Image. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, tu oses, Valérie, tu oses, hein, c'est vraiment douteux comme nom. Groupe hardcore de Chicago, on va dire hardcore avec des Roland de Hoy. Alors donc, Roland... Non nauséabond, je dirais, je précise, car en fait, d'emblée, c'est vrai que le nom du groupe m'a un petit peu chipoté, conservatif, militaire. Oui, chipoté, c'est belge, monsieur, moi je me permets, je suis ici pour niveler vers le bas. Tu viens de niveler? Tu es en train de me pourrir mon truc. Je continue. Donc le nom du groupe, je ne t'écoute plus, m'a chipoté. À niveler. Non. Mais je sais qu'on a besoin de meubler parce qu'on n'a pas assez de musique aujourd'hui, mais n'exagère pas quand même. Donc oui, le nom du groupe m'a chipoté, c'est vrai, parce que conservative, military, a priori, c'est pas des notions qui m'emballent personnellement. Donc j'ai creusé un petit peu, et donc le nom du groupe proviendrait, j'utilise le conditionnel, c'est une info que j'ai trouvée sur un forum, donc à prendre avec des méga pincettes. Le nom du groupe proviendrait d'un texte du règlement interne de l'armée américaine, plus précisément l'Army Regulation 670 partie 1, je me le suis frappé, je l'ai lu, oui bien sûr, qui décrit le code vestimentaire militaire américain. Cependant, j'ai creusé, j'ai cherché, le groupe est bien clair, c'est fuck les boneheads, etc. En gros, ils ont l'air plus méchants qu'ils ne le sont. Ouais, mais ils peuvent être anti-bonehead et puis d'être quand même... Bon, oui, écoute, je ne vais pas dire que c'est de l'extrême gauche. Mais... Non, mais moi, je connais des gens d'extrême gauche qui sont militaro, quoi. Donc, tu vois, ouais, il y a différents mix possibles, effectivement. Ils ont des flingues enrobées dans des linges huilés au fond de leur jardin, tu sais. Ils ont des émissions sur Radio Campus aussi. Et aussi, ils ont... Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais, et puis, ils ont des cheveux un peu courts. Voilà. Un peu une coiffure à la Gudard. Mais ce sont des clichés. C'est vrai. Ils ont du mal à parler dans le micro des fois, non, c'est pas. Parlant cyrillique de temps à autre. Bon alors laissez-moi finir mon truc. Le groupe s'est formé en 2020. On va avoir des ennuis. Je vais couper ton micro. Il est où le potard? Il est là-bas. Le groupe s'est formé en 2020. Ils ont sorti quelques EP singles en 2022. Je vous laisse vous balader sur Bandcamp. Et leur premier album Casual Violence vient de sortir sur le label allemand Lionheart Records. On écoute donc le premier morceau de cet album. Morceau intitulé Burberry Hat. Vas-y, lance, merde. classic punks being a little more critical than they should be. Yeah. You're listening to Radio Campus Lille, Opinion Steel Workers, One is again. Là, tu nous l'as fait changer un peu. Hein. C'est vrai? Il faisait ça? Oh, il essaye. Ah ouais. Voilà. Il a pas l'accent aussi. Par contre, moi, je vais pas essayer de parler vietnamien. Pourtant, je parle du youth crew bienvenu qui est en provenance de ce pays lointain, le Vietnam, dont je rappelle que ça fait partie des pays qui sont l'avenir du punk et du hardcore. Hein. Le Vietnam, l'Indonésie. Oui. J'ai un truc de Singapour. Singapour, ils sont à fond dedans. Et donc, au Vietnam, vous avez Xin Xactly, ça s'écrit 9. Le chiffre 9, X-A-C-L-Y. Ouais, Chine. Ouais, et pas 9, Chine. Ça se dit Chine. D'accord. Voilà, enfin, Chine. Chine. Ah, j'en sais rien. Et en plus, je ne sais pas ce que ça signifie. Bref, par contre, dans le titre que voici, qui s'appelle Nguok Dong, qui signifie en français à contre-courant, il parle de. Dans le prise de Rix peut-être. Que seuls les poissons morts suivent le courant. Vivre, c'est résister. Ah ouais, je ne veux pas mourir. Bref, du blabla, tout ça. Et tranquille, mon pote. voilà. C'est donc. Et c'est sorti il n'y a pas longtemps, ce bastonnet en tout cas. Ça arrive quand même à d'autres mulets. Jusqu'à chez moi là, donc je le passe maintenant. Nguok Dong par Xin Xactly sur campus. Oh, mais taisez-vous. Quoi? Je te jure, je finirai par avoir une réponse. J'aurais demandé ce que ça voulait dire, mais pour l'instant, on les écoute et puis on débrief après ou pas. Je ne sais pas. Ouais, et ils pourraient passer, oui. C'est ça l'avenir, alors, c'est ça? Mais ouais, bien sûr. Okay. T'as tous les styles, mais ils ont quand même un côté qu'on retrouve un peu chez les Japonais aussi. Tu sais, vachement rentre dedans, ils y vont à fond, quoi. Et putain, moi. Voilà, c'est tout. Cela te convient tout à fait. Oui, j'arrête avec la Russie, tout ça. De toute façon, c'est fini, là. Ils n'ont plus de munitions. Enfin, de toute façon, tous les groupes qui se disaient femme et trucs, ils ont tout joué pour Poutine. Donc, ouais. Bah, pas tous. Il y a beaucoup. Mais beaucoup, les vieux de la vieille, ouais, parce qu'ils sont déjà embourgeoisés, quoi. C'est ça le truc aussi. C'est ça qui nous arrive quand on s'embourgeoise. Bon. On a écouté tout à l'heure un morceau. Vous écoutez Pion Gangster. Ah oui, le numéro 309 sur Campus. Virgule. 106,6. Ouais, avec la virgule. Campus.com. Il est 20h21. On a écouté tout à l'heure un nouveau morceau des Lyonnais de Clem Choice qui sortent ce mois-ci, donc un split 12 pouces avec les Canadiens de No Heart. Donc je vais vous passer un morceau de ce groupe qui s'est formé en 2016 à Victoria, en Colombie-Britannique. Depuis, ils ont déjà sorti 3 EP, 2 splits, un avec les Australiens de The Opposition et un avec les Suédois de Sabotage. Et donc dans quelques jours, ils rajouteront ce split avec ces Lyonnais de Clem Choice. Je vous propose d'écouter le morceau Never Again qui clôt la face A. Ah ouais, j'allais oublier de préciser que No Heart, c'est Mike Tugg, d'Emergency, Suede Razors, Sydney Ducks, Subway Tugs, Alternate Action, pour ne citer que. Putain. Yord de The Choice Few. Mike Underwood des Thanksless Graft, qu'on a déjà passé à Pyongyang City Rockers, qui était un. comme ça, le rock and roll. The Choice Few, il a joué aussi dans Last Crusade, le groupe anglais. Et Will, qui joue lui aussi dans Emergency, Split a Rose et Choice pas... Few. Choice Few. Il joue pas dans Bait ? Non, non, c'est pas mais le même oui. Will. Ah bon, merde. Oh. Alors j'aurais peut-être dû commencer par là en fait, que ça avait un line-up de bâtards, mais bon. On va écouter tout de suite. Quoi, t'es en train de dire c'est des bâtards ? Non, non. On va écouter tout de suite No Heart, Never Again en exclusivité sur Radio Campus Lille. Ah. Et celui-là non plus, il n'est pas encore passé sur Droogies. Oui. Le potard. Potard. Le potard. C'est bon. We'll be right back. que vous voulez que je vous dise. Ce tunnel de quasiment 8 minutes de musique ininterrompue, et gentil en plus, était composé premièrement de No Heart, yeah, At Never No Again, Heart. Et ensuite c'était les Bruxellois de Serre, je ne sais pas comment on dit, C-E-R-E, Serre. Je ne connais pas. En tout cas, bah, si tu veux les connaître, tu pourras passer à Hâte chez Poupoun après-demain, vendredi, où ils seront avec Pédigré. Il y a autre chose que le télégraphe à Hâte. Ouais. Il y a chez Poupoun. Il y a chez Poupoun. Ouais, où il y a des trucs régulièrement. Après, chez Dolo, chez Poupoun. Il n'y a qu'en Belgique qu'on trouve des bistrots avec un des noms comme ça. C'est vrai. Enfin. Bon, oh, non. C'est dans des petits coins en France aussi. Oui, allez. Je pense aussi. À moi. Oui, vous êtes sur Pyongyang, sur Girls, dans sur, là, vous êtes sur Campus. Dans l'émission Pyongyang, sur Girls. La galère. Je range mes avirons à vous. Bon, à moi. On file à Singapour, donc je rejoins un petit peu ton délire. Bon, c'est pas vietnamien, mais c'est asiatique et ils ont bien le vent en poupe, c'est vrai. Donc on file à Singapour pour découvrir un nouveau groupe de post-punk appelé Oural, qui viennent de sortir leur premier EP de 6 titres sur le label malaisien Pissed Off Records. Donc je n'ai absolument trouvé aucune info sur eux. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à dire. J'ai trouvé 3 lignes sur Bandcamp, donc je ne vais pas faire la répète. Et j'avais super envie de les passer parce que je trouve ça très prometteur. Ça sera donc une présentation éclair. Piou, on écoute tout de suite Trap in Your Cage, le 4e morceau de leur EP Systematic Head. Bien sûr, mais tout à fait, mais c'est ça. C'est grave. Le truc à l'arrache, là, c'est ça. Oui, bah non, mais c'est eux. Mais non, c'est comme ça que ça s'arrête. C'est vrai. Il fallait mettre un petit fade down. Là. Ouais. Toi-même, faut le faire sur 2 secondes et pas enchaîner peut-être avec le morceau d'après. Ça c'est ça. Bah oui, mais il faut un petit peu refaire ces MP3 avant de venir c'est ici. C'est moi qui les ai trahis, désolé. Un MP3 que je n'aurais pas besoin de refaire parce que c'est bien le bordel, vous allez entendre. Ils viennent l'instant fumé. Ils viennent. Oh non, pas fumé, mais quand même, c'est leur esprit qui est fumé. Ils viennent de Saragosse, donc vous savez là, ce bled de c'est quoi? C'est l'Aragon, voilà. C'est pas la Castille, c'est l'Aragon qui est coincé entre le Pays Basque et la Catalogne. Donc ils ont un petit peu des deux, quoi. Côté un petit peu, bon voilà. C'est aussi un truc apparemment une région autonome d'Espagne. Ils aiment pas être mélangés avec les Madrilènes et tout ça. Donc voilà. Personne n'aime être mélangé avec les Madrilènes. Ouais, c'est un peu comme en France, on n'aime pas être mélangé avec les Parisiens. Je suis désolé pour ceux qui en Belgique, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. Les Parisiens, bah oui. Pas long, les Flamands. Ah ouais, bah vous, c'est encore pire. Hein, ouais, bon, on va pas se lancer. Comment que ça tient donc voici, au place au quepon de Guignoté de Contacto, qui signifie clin d'œil de contact. Je te le fais là. Ah, ouais, c'est super radiophonique. This is the signal. This is the signal. Oui, voilà. Guignoté de Contacto, c'est des loustiques qui sont adeptes de rigolade, de jeux de mots, trucs comme ça, un peu comme nous. Enfin, en tout cas, apparemment, ils ont des trucs à dire. Par exemple, leur album sorti en août s'appelle ACAB, mais avec un Q. Et ça veut dire all cards comme des cartes mais avec un cul, je sais pas pourquoi. Ar Bastos. Et Bastos c'est quoi en Espagne? Non, c'est une des couleurs du jeu de cartes espagnol traditionnel. Ils sont pas sur trèfle, pique, carreau comme chez les gens normaux quoi. Okay. Eux ils ont des trucs, des épées, des bâtons. Et Bastos c'est les bâtons, des coupes et puis le quatrième truc je sais jamais ce que c'est. Enfin bref, chez le bras tu reconnais rien. Peut-être des faucilles et des marteaux, ouais. Des deniers, ben voilà. Il est bien, il sait tout. Oui, ah bah c'est un joueur. Il devrait prendre le micro. C'est un joueur, Manu. Manu, un jour on t'aura. Donc bref, enfin voilà quoi. Et donc ils font des jeux de mots là-dessus sur tout leur album, tout ça. Bref, et donc voici tiré de cet album un titre nommé 9000 Gabachos, c'est-à-dire 9000 Français, mais attention. À ce qui paraît, j'ai encore vérifié, là, en Espagne, quand tu dis gabacho, c'est assez péjoratif. Hein. Voilà. Comme quand tu dis, les gens du Nord, les gens qui sont au Nord de soi-même, en général, comme en France, on parle des Belges et il y a un côté. Là. C'est les Francois, tu as dit tout à l'heure, là. Les France-Quillon. Ouais. Mais, et en Belgique, quand on parle des Néerlandais, c'est pareil, on est un peu péjoratif. Nous, les Belges, par rapport aux Néerlandais? Oui, vous aimez. Les Hollandais, tu veux dire? Oui. On les appelle les Kaaskop. Voilà, Kaaskop, ouais. Les têtes de fromage, bien sûr. Voilà. Donc, je leur ai demandé aussi, là, Guignoté des Contactos, ce qu'ils racontent dans leur chanson, leur Sanchon, là, Sanchon pour ça. Mais je n'ai pas eu de réponse, hein, donc voilà. Peut-être qu'ils ont vu que j'étais français. Merci, les gars. Mais bon, voilà, on leur en veut pas. Hein. Non, moi je leur ai dit que même si ça parlait en mal des Français, que je serais content. Mais ça n'a pas eu l'air de les. Ah. Donc, voilà. Donc, on va pas les passer. Guignoté des Contactos. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite sur Campus, émission Pyongyang City Rockers, Guignoté des Contactos. Clic. Ni aragonesa dice que quiere ser patrona de anarcochonis y hardcore flamencas. ¡Ay, los maduros! ¡La que han liado! Flamenca. Ah bah ouais, hein, ça, ils jantent vite, hein, ils vont vite. Hein. C'est comme quand on croise des Japonais, des Espagnols dans le métro, là. Putain, mais ils parlent à une vitesse, tu peux pas les écouter. Bonaga, bonaga, bonaga, bonaga. Ils ont voilà. des langues très souples. Gros, ça va. Bah quoi, je sais pas, moi. Chacun ses intérêts, hein. Allez, on avait passé un morceau en exclusivité de RAS 84 il y a quelques semaines. Ça y est, l'album est enfin disponible auprès de vos distros préférés. Ce nouvel album s'appelle « Rien ne pourra effacer » et comporte 8 nouveaux morceaux composés par la nouvelle formation de RAS 84. Eh ben. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le groupe sort en même temps un 7 pouces sur lequel on retrouve un ancien morceau enregistré par l'ancienne formation. On y retrouve dessus donc « Jeunesse de la honte », le morceau qu'ils avaient fait en featuring avec Carl Comintern Sect sur leur dernier mini-album. Donc là, sans Carl Comintern Sect, ainsi qu'une reprise de « Camera Silence ». Je crois que c'est « Classe criminelle ». Alors, donc, tout ça sort sur le label de Bobo, Dirty Punk Records. Ouais, Bobo, ouais. Le groupe jouera donc samedi 7 octobre, donc c'est ce samedi au No Man's Land à côté de Nantes. Le 10 novembre à Charleroi, en compagnie de Youth Avoiders. Ouais ! Soupçon de démence. Ouais ! Et, ainsi que Social Retards. Ouais, c'est bon. Le 11 novembre, ils seront au Luxembourg Richards. Et en Allemagne en décembre. Il y a un clip qui est sorti pour le morceau Toute une vie, qui est plutôt pas mal. C'est le morceau qui ouvre l'album. Et il devrait y en avoir un autre qui devrait arriver d'ici peu. En attendant, je vous propose d'écouter le morceau HP. L'hôpital psychiatrique. Extrait donc de ce nouvel album Rien ne pourra effacer. Il est pour mon poteau Jamie. Tout de suite, RAS 84 sur Radio Campus Lille 106,6 campuslille.com. Je l'ai bien fait la virgule là. Oui, quand t'es à l'HP, t'es dans la sauce. C'est vrai. RAS 84, HP, une nouveauté, Radio Campus Lille. C'est du bon vieux RAS. Ouais. Voilà, dernier album était sorti en 2017, je crois. 2018. Ouais. Ah bah je l'ai, je crois. Putain, c'est vrai, j'ai pas beaucoup écouté cette affaire. Bon, bah ça reviendra. Par contre, ce que vous pourrez écouter, si vous foncez dès maintenant, vous êtes déjà en retard hein, pour aller au pit. Qu'est-ce que tu fais ? Ils sont peut-être sur la route. Hein. Ouais, bah, ils sont déjà sur la route, ces gens. Pour écouter Odonis avec je sais plus quel autre groupe. Enfin non, en fait, c'est deux one-man band américains qui font de l'EBM. À fond les manettes. Electronic Beat Music. Ouais, c'est ça, Body Music. Body Music. Ouais. Ouais. Il y a aussi l'EDM, c'est Electronic Dance Music, qui est un peu moins. Enfin, plus Moins body. Plus cool. Ouais, voilà. Enfin, moins rentre dedans. Et là, je sais vraiment rentre dedans, c'est Odonis, Odonis, que je vous passe maintenant. Si vous préférez rester à l'écoute de Pure Yankee Rockers, sur Campus, c'est nous. Et voici le titre Beast. En bête. Ah ouais. Vous avez plus qu'à sauter dans votre voiture ou sur votre trottinette. Oui. Ouais, t'es mouba. Bien, j'ai mouba. T'es dichi, t'y. Bah ouais. J'ai grandi côté des discothèques, hein. Ouais, bah c'est ça. Ouais. T'allais avec les gabarits de Bayeul. Ah, la glanerie, là. Bon. Non, c'est plus du côté de tournée, Captain, ouais. Florida. Ah bah, le Captain, ouais, bien sûr. Il reste un peu plus de 10 minutes, là. Allez. Allez, bah, je vais vous passer maintenant à un groupe basque. Allez. Qui vient de Navarre, qui s'est formé en 2021 et qui s'appelle Irati 58. Ah, 58 en français. Alors, à mon habitude, j'aime bien contacter le groupe pour savoir d'où vient leur nom. Alors, voilà ce que m'a répondu Chemi, le bassiste du groupe. Hello, each one of the members of the group is from a town that is in 1911 was linked by the railway called Irati, and that railway was 58 km away. It was important for the area. In 1955, it ceased to exist. À cause de cet enculé de Franco, certainement. Voilà. Ah, voilà. À savoir aussi que les membres du groupe viennent tous d'une ville qui borde la rivière Irati. Ils ont joué dans plein de groupes inconnus, mais s'il y a des scanners qui nous écoutent, on a pu les retrouver dans des groupes tels que Charalde, Plan de Emergencia, Quarel Kids ou Pochas Muertas. Contrairement à la plupart des groupes basques, ils chantent en espagnol. Oula. Oh ouais. Ah, mais il y a une partie du Pays basque où ça parle espagnol là, maintenant. La Navarre, voilà. Justement. Ouais. J'ai reçu hier un pack avec plusieurs Scud, stickers et Mediators. Alors, c'est cadeau, cher grand leader Stéphane. Tiens. Manu, tiens. Et tiens, des stickers. Et tiens, des stickers. Trop bien. Ouais, voilà. C'est la fête. C'est la fête. Par où on souffle, le Mediator hein. J'avais oublié de vous dire qu'on retrouve une chouette reprise d'un morceau de Cox Parer, les latteurs de beat, qui ont décidé de chanter. Qu'ils ont décidé de chanter en espagnol. Le morceau c'est No Quiero Ser Como Tú. À la base, c'est le morceau Nothing Like You. Et que l'album a été enregistré par le désormais fameux Julien Urzeis au Sons of Siren Studio à Pamplune. Celui qui a fait Streetwise, Arlene Essex, tous ces trucs-là. Je vous propose d'écouter le morceau Irati qui occupe la sixième place de cet album qui s'appelle Ingobernables. Oh. Ingouvernable. Irati 58 sur Radio Campus Lille. 106,6 Campus Lille.com. Mila Eschker. Related to my story. Cabaret Prago, ou plutôt de Teplitz, vu que c'est à nouveau où je mets Doma. Ah oui, j'ai oublié de dire que juste avant on entendait Shoot les Yuba qui faisait Not Believing in Much. D'ailleurs, ça s'entendait rien qu'au ton de la voix du chanteur, et puis joue plein en ce moment. Voilà. Et là, c'est où je mets Doma qui font Jessica. Il n'y a pas de problème. Waouh! Ouais, c'est du sapeau. Voilà, on se dit au revoir, il nous reste 1:30 pour dire au revoir. C'est la fin de Pyongyang Stereo Cœur numéro 309. il pleure. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 310e numéro de cette superbe émission que le monde entier nous envie. À la semaine prochaine. Non mais attends, on peut se jeter des fleurs, merde. Bah, mais évidemment, voilà. Ah, il pleut de la plus forte à nouvelle émission. Voilà, et puis il y a aussi la vie des microbes tous les lundis soirs à 23h pour les couches terre. Alors pourquoi la vie des microbes Parce que c'est un agenda underground, donc tout ce qui est sous la terre, tout ce qui est peu visible, tu sais, il faut sortir un microscope, une loupe, un truc, pour voir de quoi il s'agit. A priori, c'est tout ce qui sort pas dans illico et dans sortir. Voilà. Pas tout. Non, on fait quand même un show, attends, vas-y, c'est subjectif, hein, je t'emmerde. Et puis, c'est rediffusé tous les jeudis à 8h du matin sur Campus 106,6, la radio que vous écoutez en ce moment même, n'est-ce pas? Oui. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là. Et on attend prendre. Et surtout. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Agam, il est mort de rire. All cards, Arbastos. Alors, moi, je suis là.